frequenza. Thank you. Allez, allez, relance. Allez, comme allez! Allez, on tire sur les bras, on va monter les genoux, on met tout, c'est la dernière! Là. Allez, allez, allez. C'est comme si tu t'agrandes. Ah, bon, tu n'as l'air.